pointé le nez à la fenêtre, voyant la pluie qui commençait à dessiner dans le ciel de fin liseré. Plafond terrestre encombré, bouchonnent les nuages qui déverseront leur chagrin sur la foule de passage. Feuilles mortes en pagaille sur les trottoirs de mes ruelles, comme le dit si bien la chanson, elles se ramassent à l'appel. Tourbillon coloré, porté par la brise d'une de ces journées glacées, où les arbres se défrisent. Une journée sans soleil a frappé à ma porte, les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles mortes, sifflant d'un vent glacial, un de ces airs d'automne, une de ces tristes mélodies remplies de mélancolie, la la la. Triste mine des passants face aux caprices du temps, certains diront sûrement comme c'est agaçant ces fins d'après-midi sous les parapluies, mais moi j'en fais de la poésie, n'en déplaise aux aigris. À la manière de Prévert se succèdent les vers en ces temps de grisaille sur nos esprits qui déraillent. Mais sous la pluie, sous l'averse, en automne ou en hiver, je t'offre ces quelques rimes pour déceler l'infime. Une journée sans soleil a frappé à ma porte, les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles mortes, sifflant d'un vent glacial, un de ces airs d'automne, une de ces tristes mélodies remplies de mélancolie, la la la hey. Je t'emmènerai, narguer le ciel gris de ces sombres journées, et sous les larmes de ce climat qui s'emballe, trempé dans la tête aux pieds, on se sent exister. Se reflètent nos visages dans cette flaque qui regarde, nos yeux grands ouverts, bien loin des esprits terre à terre. Mais pourquoi faire la gueule lorsque les éléments se déchaînent, un bon bol d'air pour tout le monde sous le ciel qui gronde. Sans soleil a frappé à ma porte, les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles mortes, sifflant d'un vent glacial, un de ces airs d'automne, cette mélodie qui déplaît à la majorité d'entre nous. La la la la la. Je t'emmènerai, nargue le ciel gris de ces sombres journées, sous les larmes de ce climat qui s'emballe, trempé dans la tête aux pieds, on se sent exister. Se reflètent nos visages dans cette flaque qui regarde, nos yeux grands ouverts, bien loin des esprits terre à terre. Mais pourquoi faire la gueule lorsque les éléments se déchaînent, un bon bol d'air pour tout le monde sous le ciel qui gronde. Une journée sans soleil a frappé à ma porte, les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles mortes, sifflant d'un vent glacial, un de ces airs d'automne, cette mélodie qui déplaît à la majorité.